Troisième partie. Monsieur et Madame Lejeune. Deux billets. C'est un cadeau de Jules. Il est gentil, Jules. Oui, très gentil. Alors, en route? Oui, mais où? Ce sont des billets pour visiter les égouts. Pouah! Eh bien, non. Il n'est pas gentil du tout, ton ami Jules.